ne ménageant rien, ni les conventions littéraires, ni le bon goût, ni la correction, n'ayant d'autre souci que d'entraîner les esprits et d'ébranler les cœurs. On s'était regardé, surpris d'abord de cette révélation, charmé bien vite, et son élection qui pouvait être cassée 10 fois avait été validée. Ce fort et ce violent qui était aussi un timide serait probablement resté longtemps silencieux à son banc. Mais ce succès l'avait obligé à prendre souvent la parole et toujours il s'était montré l'homme de son début. Sans doute ce n'était pas là des qualités suffisantes pour se faire aimer. Mais Dunière n'était pas passionnée seulement dans ses discours. Elle est passionnée enlève tout. On ne résiste pas à celui qui par sa propre flamme met le feu à votre esprit et à votre cœur. Avec cela, beau garçon, d'une élégance simple, d'une distinction affable, tendre comme une femme, il entraînerait Ghislaine. Sans qu'elle le connût, en vertu d'une affinité mystérieuse pour l'avoir rencontré 3 fois, elle avait été à lui. Maintenant, quoi qu'elle voulût, elle ne se reprendrait pas. Et la preuve de l'influence qu'il exerçait sur elle était dans les mois qu'elle avait laissé paraître en le voyant sur la liste des invités. Indifférente, elle n'eut pas craint de se trouver avec lui. Analysant très bien ce qui se passait dans le cœur de Ghislaine, M. de Chambray avait compris que ce qui, pour beaucoup, causait cet émoi, était la crainte que ce prétendant ne se présentât en fiancé. Aussi eût-il voulu prévenir Dunière de s'enfermer dans une prudente réserve. Mais comment lui adresser cette recommandation, quand les choses avaient été menées à un point si avancé l'année précédente, et quand il lui disait « Faites-vous aimer ». Il eût fallu entrer dans des explications telles que le mieux encore était de s'en remettre au tact de Dunière, qui n'avait nullement les allures d'un vainqueur. Ce raisonnement s'était trouvé juste. Un invité comme les autres, Dunière, rien de plus. Pas un seul instant il ne parut vouloir accaparer Ghislaine comme lui fait un fiancé. Et quand, après le déjeuner, on se promena en voiture dans les jardins et dans le parc, il loua discrètement ce qu'on lui montrait et ce qu'il voyait pour la première fois, sans que rien dans son attitude ou ses paroles pût donner à supposer qu'il se disait que tout cela lui appartiendrait un jour. S'il admira ces parterres, restait-elle qu'ils étaient sortis des mains de le nôtre, ces charmilles en portique, ces ifs et ces cyprès taillés à l'antique mode, ces statues et ces groupes mythologiques de Coïs et Vox, le Gros, le Rambert, Marcy, Tubi, qui ornaient les allées et les pièces d'eau, c'est que, plus que tout autre peut-être, il était l'homme de la tradition. Ce fut ce qu'il indiqua d'un mot et sans insister. S'étant trouvé en tête-à-tête un moment avec Ghislaine, il ne parla que des œuvres d'art qu'elle avait pu voir en Italie, et il en parla bien, très simplement, sans aucune pédanterie, en caractérisant les œuvres et les artistes d'un mot juste, ou au moins que Ghislaine trouva juste, pensant en tout et surtout, comme il pensait lui-même. « Tu vois, » dit Monsieur de Chambray, quand les invités partis, il fut seul avec Ghislaine, « que tu pouvais recevoir Dunière. N'a-t-il pas été parfait ?» Elle fut obligée de convenir qu'il s'était montré d'une grande discrétion. « Plus tu le connaîtras et plus tu verras qu'il est parfait en tout. » Une fois encore, elle retint le mot qui lui montait aux lèvres et qui était qu'elle désirait n'avoir pas l'occasion de le connaître mieux. Mais elle ne voulait pas gêner son oncle dans ses relations. Et en même temps, elle se taisait de peur de se trahir. Qu'elle parlât franchement, qu'elle dit qu'elle ne voulait pas voir Dunière, et son oncle assurément la presserait de questions. Pourquoi ? À quoi bon le tenir à distance s'il lui était devenu indifférent depuis qu'elle avait renoncé à se marier ? Au contraire, s'il ne lui était pas indifférent, pourquoi s'obstinait-elle à ne pas l'accepter pour mari ? Il serait imprudent qu'elle laissât lire dans son cœur, sentant bien que toutes les raisons qu'elle opposerait à son oncle n'auraient pas prise sur lui, qui ne comprenait pas et ne comprendrait jamais que la naissance de Claude fût un empêchement à ce mariage qu'il voulait. Elle dut donc accepter de voir Dunière aussi souvent qu'il plut à son oncle, non seulement à Chambray, où il n'y eut pas de réunion sans lui, mais encore à Paris, au salon, où elle le rencontra toutes les fois qu'elle y alla, au bois quand elle s'y montra, et tous les vendredis à l'opéra, où son oncle se fit céder une loge par un de ses amis. Ce fut un événement parisien quand, le dernier vendredi de mai, on vit paraître dans une loge de premier rang une jeune fille en robe de crêpe blanc avec un collier de perles qui fit pousser des cris d'admiration et d'envie à plus d'une femme. Quelle était cette jeune fille que le comte de Chambray accompagnait et qu'on voyait pour la première fois à l'opéra ? Un murmure courut de loge en loge. Ceux qui connaissaient le monde affirmaient que c'était la nièce du comte, la princesse Ghislaine. D'autres contestaient, n'ayant jamais entendu parler de cette princesse, ni ne l'ayant jamais rencontrée. Le collier trancha le différend. Des femmes d'un certain âge, qui avaient été en relation avec la mère de Ghislaine, reconnaissaient ce collier, fameux par la beauté et la pureté des 400 perles qui le composaient. « C'est le collier des princesses de Chambray. » Comment une jeune fille de son monde porte-t-elle un bijou de cette importance? C'était le comte qui avait voulu qu'elle portât ce bijou, comme il avait exigé la robe décolletée, au grand étonnement et à la grande gêne de Ghislaine, qui avait essayé de s'en défendre en lui opposant un de ses axiomes. « Mais mon cher oncle, ne m'avez-vous pas dit 20 fois que la toilette était la ressource des femmes qui ne peuvent pas avoir d'autres distinctions ?»« Bon pour la journée, le dédain de la toilette, ou quand on ne doit pas se trouver dans son milieu. » Mais le soir, autre affaire. » Et il s'en était tenu là, ne jugeant pas à propos de donner ses autres raisons, qui étaient qu'il voulait que Ghislaine fît sensation, et que, quand le comte d'Unières viendrait dans sa loge, tout le monde eut les yeux tournés vers cette loge. Ce fut ce qui arriva. Pendant les 2 derniers actes de l'Africaine, on ne parlait que du mariage de la princesse de Chambray avec le comte d'Unières, et les journaux mondains du lendemain faisaient pressentir les fiançailles d'une des plus nobles héritières du faubourg Saint-Germain, avec le plus jeune et le plus en vue des hommes politiques du parti monarchique. Ghislaine ne lisait pas les journaux, mais Lady Cappadoce les lisait, non les Français, bien entendu, pour lesquels elle avait le plus profond mépris, mais le Morning Post, sans lequel elle ne faisait pas un pas, en portant toujours plusieurs exemplaires, celui du jour, de la veille et même de l'avant-veille, soigneusement plié sous le bras gauche, les serrant sur son cœur et les abandonnant çà et là à mesure qu'elle les finissait, de sorte qu'on aurait pu la suivre à la trace comme si elle avait pris soin de jalonner son passage. 3 jours après la soirée de l'opéra, Ghislaine fut surprise un matin de voir entrer Lady Cappadoce brandissant d'une main agitée un numéro du Morning Post. Et elle crut, tant était vive l'agitation de sa gouvernante, que celle-ci venait de trouver dans le journal la nouvelle qu'elle héritait enfin. Elle le lui dit en riant, mais Lady Cappadoce se fâcha. « Non, mademoiselle, je n'hérite point. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de vous. Lisez ce journal. » Et de son doigt tremblant, elle lui désigna quelques lignes du Morning Post en le lui mettant devant les yeux. C'était la nouvelle des journaux parisiens que le journal anglais reproduisait, mais en la précisant, sinon pour Ghislaine, qui restait l'une des plus nobles héritières du faubourg Saint-Germain, au moins pour le plus jeune et le plus en vue des hommes politiques du parti monarchique, qui était nommé tout au long. « N'est-il pas étrange que j'apprenne votre mariage par un journal ?» demanda Lady Cappadoce. « Ne l'est-il pas que je l'apprenne moi-même de cette façon ?» Lady Cappadoce, qui n'avait pas admis un seul instant que son cher Morning Post pût annoncer une nouvelle fausse, lui si exacte, si méthodique pour tout ce qui touche au grand monde, fut stupéfaite. « Ce ne serait pas vrai ?»« Non, c'est vous qui m'en apportez la nouvelle. »« Il aura été trompé par quelque journal français, » répondit Lady Cappadoce en jetant sur son cher Morning Post un regard attendri. « Alors ce n'est pas vrai ?»« Ce n'est pas vrai. » « Convenez que cette intimité avec M. d'Unières est bien faite pour susciter ces bruits de mariage. » Ghislaine ne répondit pas. Après un moment d'attente, Lady Cappadoce continua. « Je vous félicite, ma chère enfant, que cette nouvelle soit fausse. Vous connaissez mon opinion sur les mariages précoces. Ils sont rarement heureux, très rarement. Et comment en serait-il autrement? Un mariage doit être réfléchi. Un mari doit être choisi et non pris au hasard. Ce n'est pas quand elle ne connaît ni le monde, ni la vie, qu'une toute jeune fille peut faire ce choix. Elle se laisse entraîner par des considérations futiles. Un nez bien dessiné, une barbe soyeuse, des yeux tendres. Certainement le nez de M. d'Unières est d'une belle ligne. Sa barbe est charmante, mais après. Il me semble qu'il a autre chose. C'est de son rôle politique que vous voulez parler? Il faudrait voir. Est-ce que la place qu'il s'est faite à la Chambre ne dit pas ce qu'il vaut? J'ai connu en Angleterre de grands orateurs qui étaient de pauvres caractères. C'est que justement le caractère chez M. d'Unières est à la hauteur du talent. Comme vous le défendez! Si l'on vous entendait parler de lui sur ce ton, personne ne croirait que cette nouvelle est fausse. Et cependant elle l'est, dit Ghislaine nettement, de façon à en rester là. Si elle était fâchée des attaques de Lady Cappadoce, dont le but ne se trahissait que trop visiblement,